طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الناقد الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. Donc le cinquième la cinquième des abrogations de l'islam, c'est le fait de détester une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et même si on œuvre avec cette chose-là, du moment que toi tu la détestes, fa'ala kufr. مفهوم. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فاللفظ الكره الكراهة والبغض في هذه المسألة متساويان. C'est le même sens. الكره والبغض ça a le même sens. Le fait de détester la chose. Taïb. Alors celui qui déteste une chose parmi les choses avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, kafar. Allez, ça kafar avec Mohammed. Bala. Tamam. Celui qui déteste le combat, kafar. في تفصيل ايش التفصيل هذا يعني بقى فوغاس كي ديتست دونك اون اور سي سي لو في لي بليسور لي بليسور او لا جيم كو سا اوكازيون او سي لو كومبان لوي او سي لو سي لو كومبان لوي لي نعم لي زيفي دو كومبان. نعم احسنتم. فعلم بذلك ان الكره المراد بالناقد هو الذي يلتجي الى اصل الشيء. Donc on comprend de cela que le dégoût qui est visé par ce naqid, c'est le dégoût qui concerne la base de la chose. Par exemple, celui qui veut faire les ablutions avec de l'eau froide. Il déteste faire les ablutions avec de l'eau froide. Est-ce qu'il déteste les ablutions en soi ou c'est le fait des ablutions avec l'eau froide? C'est le fait des ablutions avec l'eau froide, fala bas. Voilà, yakfor. Naam. Kadalika, celui qui porte une lihya, il peut détester le fait que des fois elle le gratte ou des fois qu'il fiche. Sans qu'il déteste le fait que la lihya c'est obligatoire. هذا لا بأس. تمام. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعباد وفلاحا لهم فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم. طيب. Donc l'imam Sa'di explique le verset: ذلك بأنهم كرهوا, ceci parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre. فأحبط أعمالهم, et Allah a annulé leurs œuvres. نعم. Et Allah il n'annule les œuvres que des mécréants. فعلم بذلك أن الذي يكره شيئا من دين الله فيكفر. نعم. في سورة محمد verse 9. نعم. وكذلك قوله تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وأكثرهم للحق كارهون. Et la plupart d'entre eux détestent la vérité. قال العلامة السعدي السعدي عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد ما يعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لذلك الأمر أو لهذا الأمر وتعجبهم منه فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول كل هذا تدل على أن الذي يكره الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر تمام قال المردوي في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا لو كان مبغضا لرسوله عليه الصلاة والسلام أو لما جاء به اتفاقا donc ça c'est la personne ce savant il rapporte l'ijma sur le fait que celui qui déteste le prophète ou une chose avec laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم est venu alors il devient mécréant selon l'unanimité des savants. فبغض شيء مما جاء به الرسول كفر وردة ولو عمل به et même s'il œuvre avec il n'aime pas مثلا لحية il dit ah, هذا c'est un حكم mais il le dit ou si, au fond de lui aussi ça fait non c'est البغض البغض هي عمل ماذا قلبي quand tu détestes une chose ça vient du cœur نعم وتتابعه الجوارح يتابعه الجوارح et les membres ils font que suivre ce qu'il y a dans le cœur en ce qui concerne le dégoût lorsque tu détestes une chose نعم mais il suffit qu'il le déteste dans son cœur خلاص يكفر فلهذا الإنسان يحاسب نفسه كل يوم يحاسب نفسه كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب مضغة صغيرة ولكنها عظيمة هناك تستقر أو يستقر الإخلاص وهناك يستقر النية محل النية ما هو القلب نعم القلب عضو عظيم معرفة السلام طيب قال وهناك تنبيه مهم الكره والبغض لشيء من شرع الله ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين le fait de détester une chose parmi les choses qui viennent d'Allah عز وجل et de son prophète ceci se divise en deux الكره الطبيعي le dégoût qui est naturel le dégoût qui est naturel يعذر فيه الإنسان وهو نفور الطبع من بعض الأعمال لما فيه من المشقة البدنية والمؤنة المالية ومنه قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو إيش وهو كره لكم نعم هذا دليل على أن هناك كره ليست من النوع الذي يخرج صاحبها من الإسلام كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم donc هذا يعذر فيه الإنسان ça c'est ce dégoût qui est naturel la personne elle est pardonnée dans, en cela. Tamam. والكره المحرم الكفري هو الكراهة لأمر الله ولشرع الله ولما فرض الله وهذا هو المراد وهذا هو المراد من كلام الشيخ هنا. Et le deuxième genre, c'est le dégoût qui est interdit et qui fait sortir la personne de l'islam. Et c'est celui qui concerne le dégoût envers l'ordre d'Allah, ainsi que ce qu'il a légiféré. Ce qu'il a légiféré et ce qu'il a ordonné. وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعُثَيْمِينَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ الآية قال فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية. Donc les croyants, ils ne détestent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné, mais ils détestent le combat d'une manière naturelle. وفرق بين أن يقال إننا نكره إننا نكره ما فرض الله من القتال وبين أن يقال إننا نكره القتال. Il y a une différence à faire sur le fait de dire nous détestons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme combat, et nous détestons, et le fait de dire nous détestons le combat. نعم. فكراهة القتال أمر طبيعي. Le fait de détester le combat, ça c'est une chose naturelle. نعم. فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا. نعم. La prime nature, elle veut que l'être humain il déteste combattre une personne jusqu'à venir à le tuer. Hein? لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه. Mais si ce combat il est obligatoire sur nous, ça va devenir une chose d'aimer d'un certain sens, d'un certain point de vue, d'un certain point de vue. Et ça restera une chose détestée d'un autre point de vue. Du point de vue que tu vas perdre des proches, du point de vue que tu peux être blessé, du point de vue que tu vas te fatiguer, tout ça c'est détestable à l'être humain. Et ce dégoût là, il ne fait pas sortir la personne de l'islam. Tamam. Comme le fait de, par exemple, laisser pousser sa barbe. Laisser pousser sa barbe. Des fois, ça peut t'hériter. Toi, tu vas avoir un dégoût par rapport au fait que ça t'hérite. Vous voyez ? Mais pas par rapport au fait que c'est un ordre d'Allah Azzawajal qui l'a légiféré. Hada la basab. Ce dégoût-là, il n'est pas interdit. Tamam. Par rapport à, par exemple, au Ramadan. Non. Parce qu'il y en a des qui viennent et ils sont... Eux, c'est le dégoût naturel du fait qu'ils vont avoir faim ou... À la hasab. Si eux, ils sont... Yani, yakrahoun kounu, yani, el jour, ou el atash, ou mithla hada, fa huwa tabi'i. Tabi'i. Lakin idha yakrahoun el amr. وهذا كثيرا ما يحصل فهذا من المكفرات مفهوم طيب فإن الإنسان يكره طيب القرآن لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصرون أن يقاتلوا، وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروها إلينا. المهم فهمتم القضية، أن هناك بغضان دو ديغو، ان كي حرام كفري، ان كي ناتشورال. نعم. ثم تذكرنا كلام ابن باز وقد قرأناها في بداية الدرس. On avait déjà lu la parole d'Ibn Baz au début du dars, qui concerne le fait d'insulter Allah Azza wa Jal. فهذا كفر. طيب والذي يسب الله كيف المعاملة معه؟ سب الله كفرا، كفرا إجماع، إجماعا. كيف نعامل؟ On essaie de voir s'il n'est pas contraint. Yani ma fi iqamat al-hujja, taqsud? Sur lui? Eh, ma nahtaj ila iqamat al-hujja? Ha? Bas arak tashuk kan. Je vois que tu as des doutes. Tu es pas sûr de toi. Tu es sûr de toi? Ma nakim alay al-hujja. Tayib, idan kif na'mal? On utilise quoi? القرائن. نعم. فإذا وجدنا قرائن، si on voit des, on a des preuves ou des indices qui montrent que cette personne-là elle a bien dit cela volontairement, sans contrainte et en ayant tout son esprit, en sachant ce qu'elle dit, خلاص كفرنا. On le remet créant sans même que on soit obligé de lui établir la preuve. وما دليلك على هذا؟ سي كوا تون دليل؟ باه كون في با إقامة الحج. دليل لو دليل يفيان دو يا محمد؟ ايوه اما من القرآن اما السنة. نعم أحسنت. des compagnons selon une certaine interprétation et d'autres ils disent c'était des hypocrites. Ils se sont moqués du prophète عليه الصلاة والسلام et des حفاظ qui étaient autour de lui. Et les versets d'Allah sont directement descendus pour dire لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Il dit vous avez cru après avoir vu la foi. S'ils avaient la foi, c'est à cause de ce verset là que certains savants voient que c'était pas des hypocrites mais c'était bel et bien des compagnons. C'est un khilaf qawi ben ahl al-ilm sur le fait de est-ce que ces personnes là étaient parmi faisaient partie des compagnons ou des munafiqins. Pour les cas comme ça, faut toujours que ça soit quelqu'un de science ou ça. نعم. لا يكفر أحد إلا وهو من أهل العلم وذوه. Il doit faire partie des gens de science pour rendre mécréant une personne la but. طيب وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Yeah.